Au sport. Le 27 janvier, dans la Ligue de hockey sans contact juvénile, Louis Saint-Laurent est à Victoriaville pour affronter Collège du Claretin à 18h. Le 29 janvier, dans la Ligue de basketball benjamin masculin division 3, Louis Saint-Laurent reçoit Tandem Le Boisé à 18h45.